L'effort se postule par habitude ou par besoin. Occurrence bénéfique pour certains, maléfique sans action. Si l'on croit les réactions des autres du genre humain, engoncés sans soutien, subissant les lois métaphysiques de leur conscience. Qui on est, d'où on vient, chacun son combat viscéral contre le temps. Animal par moment, subliminal et violent, aveuglé par la haine qui tire et descend dans l'échelle des valeurs qui définissent ses sentiments. Ta morale, la meilleure soi-disant, argument constant par lequel tu nous matraques. Généré pour préparer tes attaques, le profit à ses motivations, tes ennemis se comptent en nations, victimes non soumises aux injonctions de tes firmes, de ton état-major, provoquant des conflits, fin, mort, enfant, infirme. Tu prends Dieu pour témoin, le sang coule dans tes mains. Et ils prennent Dieu pour témoin, le sang coule dans leurs mains. C'est certain, le monde ne fait plus qu'un. Les communications s'intensifient, le savoir se répartit. Y'a des flics qui révèlent l'horreur de tes affaires. Et ils prient, t'insultent, haïssent, t'appellent Lucifer. Parfois le monde est à refaire. Parfois j'aimerais